Section 4 de « Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son Altesse royale Monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry » par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Seconde partie. Seconde partie. Vie et mort de Monseigneur le duc de Berry en France. Livre premier. Première et deuxième restauration. Correspondance de Monseigneur le duc de Berry et de Madame la duchesse de Berry. Leur mariage. Vie privée du prince. Chapitre premier. Arrivée de Monseigneur le duc de Berry en France. Voyage de Cherbourg à Paris. 1814. À peine le pavillon blanc arboré à Cherbourg avait-il flotté dans les airs que ce signal de paix en appela un autre. On aperçut en mer une frégate ayant aussi pavillon blanc. C'était la frégate Le Rotas, qui conduisait à Caen Monseigneur le duc de Berry. Mais ce prince, ayant découvert dans la rade de Cherbourg le drapeau sans tache, fit tourner la proue vers la première terre de France. La ville de Cherbourg avait envoyé une députation à Jersey afin de prier Monseigneur le duc de Berry de vouloir bien débarquer dans son port. Le vaisseau chargé de cette députation ne rencontra pas en mer le Rotas. Les habitants et la garnison de Jersey s'étaient distingués par les marques de respect et d'amour qu'ils avaient données au fils de France. À son départ de leur île, 1800 coups de canon saluèrent le vaisseau qui portait le prince dans sa patrie. Le préfet maritime et les principales autorités de Cherbourg s'avancèrent en mer au-devant de le Rotas. Monseigneur le duc de Berry les reçut sur son bord. Le Rotas entra dans la rade au bruit des salves d'artillerie et au milieu des navires pavoisés. Le prince, descendu de la frégate anglaise, passa à bord du vaisseau amiral français qui recommença le salut militaire. Ensuite, la chaloupe de l'amiral conduisit Monseigneur le duc de Berry au fond du port royal. Elle était suivie d'une multitude d'autres chaloupes et de petits bâtiments qui portaient, avec la suite du prince, les premières autorités et les habitants les plus distingués de la ville. Les quais étaient couverts d'une foule immense qui faisait retentir l'air des plus vives acclamations. Le duc de Berry sauta à terre en criant « France !» La Révolution vient de répondre à ce cri. Monseigneur le duc de Berry était accompagné des comtes de la Ferronnays, de Nantouillet, de Ménard et de Clermont-Lodève. Le soir, la ville fut illuminée. Louis XVI avait été reçu dans ce même port créé par lui, avec les mêmes témoignages d'allégresse. Pour répondre au transport de la joie publique, Monseigneur le duc de Berry fit relâcher 600 conscrits réfractaires et remettre au capitaine de la frégate anglaise des prisonniers de sa nation. C'est ainsi qu'il délivra à Caen d'autres prisonniers français et espagnols. Tout devenait libre sur le passage d'un Bourbon. Parti de Cherbourg, le prince s'arrêta quelques instants à Valognes et à Saint-Lô. Il fut complimenté auprès de Bayeux par le préfet du Calvados. Ces villes croyaient recevoir le bon connétable qui les fit rentrer autrefois sous l'autorité paternelle du sage Charles V. À Bayeux, un militaire se présente au prince et lui dit « Monseigneur, me reconnaît-il » C'était un soldat de l'armée de Condé. « Si je vous reconnais, répondit vivement le prince en s'approchant de lui et écartant ses cheveux, vous devez avoir au front la cicatrice d'une blessure que je vous ai vue recevoir à Walden. Honneur au prince qui lit si bien sur leur front le nom de ses serviteurs. Un régiment dont l'esprit n'était pas encore changé passait dans les environs de Bayeux. On conseillait à Monseigneur le duc de Berry de l'éviter. Ce fut au contraire pour le prince une raison de marcher au-devant de ses troupes. Il se présente aux soldats. « Vous êtes, leur dit-il, le premier régiment français que je rencontre. Je viens au nom du roi recevoir votre serment de fidélité. » Les soldats crient « Vive l'empereur !» « Ce n'est rien, dit le prince, avec un sang-froid admirable. C'est le reste d'une vieille habitude. » Il tire son épée et crie « Vive le roi !» Les soldats français aiment le courage. Ils répètent aussitôt « Vive le roi !» Le prince fut reçu à Caen avec des démonstrations de joie extraordinaires. Il assista au spectacle. On lui présenta sur le théâtre, après la pièce, les prisonniers qu'il avait fait mettre en liberté. Ainsi, la première fois que Monseigneur le duc de Berry parut dans nos jeux publics, ce fut pour essuyer les larmes de quelques Français, et la dernière fois pour y répandre son sang. Le prince rencontra à Lisieux le brave général Bordesoult, à la tête de la cavalerie du premier corps de l'armée. À Rouen, il eut encore l'occasion d'admirer les débris de ces vieilles troupes échappées à tant de combats et qui semblaient plutôt succomber sous le poids des victoires que sous celui des revers. Monseigneur le duc de Berry s'avançait vers Paris. Entre deux haies de drapeaux blancs flottant sur les remparts et sur les clochers, aux portes des villes, aux fenêtres des châteaux, des maisons et des chaumières. Partout, les rues étaient sablées, les murs ornés de tapisseries, de guirlandes et de fleurs de lys d'or. Partout, les cloches sonnaient, les canons tiraient, les tédéum étaient chantés. Les cris de « Vive le roi ! Vive les Bourbons !» se faisaient entendre. Le prince, objet de tant d'amour, traversait avec ravissement ces riches campagnes, ce beau pays de France, cette terre natale, qui lui était plus inconnue que la terre de l'exil. Environné, pressé, porté par la foule, il disait, les larmes d'attendrissement dans les yeux, « Je n'en puis plus, j'en mourrai peut-être, mais je mourrai de joie. Est-ce de joie qu'il est mort ?» Un détachement de gardes à cheval attendait Monseigneur le duc de Berry au-delà de Saint-Denis. Hélas, nous l'avons vu dernièrement passer sur ce chemin dans une toute autre pompe. Le corps municipal, les maréchaux et les généraux le complimentèrent à la barrière. Monsieur attendait son fils au château des Tuileries et le reçut dans ses bras. Tout était nouveau pour le jeune prince. Paris, ses jardins, ses monuments, et parmi tant de Français, cet étranger, de notre façon, ne connaissait que son père. Chapitre 2. Le roi à Compiègne. Cependant, Louis XVIII, débarqué à Calais, approchait de Compiègne. On se rendait en foule de Paris à cette résidence. Les Français, comme du temps de la Ligue, étaient affamés de voir un roi. Des courriers se succédaient d'heure en heure. Tout à coup, on bat aux champs. Une voiture attelée de 6 chevaux entre dans la cour du château de Compiègne. Elle s'arrête, on l'environne. On en voit descendre, non le roi, mais un vieillard soutenu par son fils. C'était Monseigneur le prince de Condé et Monseigneur le duc de Bourbon. L'un, le guide de Monseigneur le duc de Berry au champ d'honneur, l'autre, le père de son infortuné frère d'armes. De vieux serviteurs de la maison de Condé, accourus à Compiègne, poussent des cris en reconnaissant leur maître, se jettent sur ses mains, qu'ils baisent avec des sanglots. Ces princes n'étaient que deux, on cherchait en vain le troisième. Ils étaient tout près de Chantilly, qui n'existe plus. Quand l'héritier manque, qu'importe l'héritage? Enfin, le roi lui-même arriva. Son carrosse était précédé des généraux et des maréchaux de France, qui étaient allés au-devant de Sa Majesté. Ce ne fut plus des cris de « Vive le roi !», mais des clameurs confuses, dans lesquelles on ne distinguait rien que les accents de l'attendrissement et de la joie. Madame accompagnait le roi. Ses traits, comme on l'avait remarqué lors de son mariage, offraient un mélange touchant de ceux de son père et de sa mère. Une expression de douceur et de tristesse annonçait dans ses regards ce qu'elle avait souffert. On remarquait jusque dans ses vêtements, un peu étrangers, des traces de son exil. Monsieur, déjà vieil habitant de la France, en présenta les nouveaux enfants au père de famille. Telle est, en France, la force du souverain légitime, cette magie attachée au nom du roi. Un homme arrive seul de l'exil, dépouillé de tout, sans suite, sans garde, sans richesse. Il n'a rien à donner, presque rien à promettre. Il descend de sa voiture, appuyé sur le bras d'une jeune femme. Il se montre à des capitaines qui ne l'ont jamais vu, à des grenadiers qui savent à peine son nom. Quel est cet homme? C'est le fils de Saint-Louis. C'est le roi. Tout tombe à ses pieds. Chapitre 3. Monseigneur le duc de Berry est nommé colonel général des chasseurs. Inspection militaire. Mot du prince. Pèlerinage de Monseigneur le duc de Berry à Versailles. Le roi donna à son peuple les institutions que les siècles avaient préparées, mais l'ouvrage de sa sagesse fut mal compris. Il fallait suivre le dessein de l'habile architecte, bâtir sur son plan un nouveau palais dont les fondements auraient été antiques. Au lieu de cela, on se contenta de reblanchir des ruines et de s'y loger. On se crut en sûreté dans des débris qui devaient tomber au souffle de la première tempête. Monseigneur le duc de Berry, nommé colonel général des chasseurs, n'eut à s'occuper, dans la première année de la Restauration, que d'inspections militaires. Il parcourut les départements du Nord, visita les places fortes de l'Alsace, de la Lorraine et de la Franche-Comté, et revint à Paris, août-septembre 1814. Il passait un jour en revue, à Fontainebleau, un régiment de la vieille garde. Des grenadiers, qu'il avait entourés après la revue, ne pouvaient s'empêcher de lui témoigner leur admiration pour Buonaparte. « Que faisait-il donc de si remarquable ?» leur dit Monseigneur le duc de Berry. « Il battait l'ennemi, » répondirent-ils. « Belle merveille, » répliqua le prince, « avec des soldats comme vous. » Monseigneur le duc de Berry avait profité de son voyage dans les provinces du Nord pour passer un moment en Angleterre et visiter les lieux de son exil. De retour à Paris, il fit un pèlerinage à ceux de son enfance. Il partit pour Versailles avec un seul aide de camp. Il fut extrêmement frappé de trouver le château tout brillant d'or, de glaces et de peintures, mais inhabité, et debout dans une espèce de désert, comme les palais enchantés des contes arabes. Versailles n'a été livré qu'un moment à la Révolution. Aucun des gouvernements illégitimes n'en a fait son séjour. L'imagination frappée de la majesté du règne de Louis XIV et de la violence de la Révolution oublie ce qui s'est placé entre ces deux grandeurs de l'ordre et du désordre, et s'obstine à ne voir dans Versailles que le créateur de ces merveilles. Monseigneur le duc de Berry regardait avec étonnement la façade de ce palais, semblable à une immense ville, ses vastes rampes conduisant à des bocages d'orangers, ses eaux jaillissantes au milieu des statues, des marbres, des bronzes, des bassins, des grottes, des parterres, ses bosquets remplis des prodiges de l'art. Il se représentait les fêtes brillantes données dans ce palais et dans ses jardins, encore peuplés des ombres des Montespans, des Nemours, des Lavallière, des Sévigné, des Condé, des Turenne, des Catina, des Vauban, des Colbert, des Bossuet, des Fénelon, des Molière, des Racine, des Boileau, des La Fontaine. Et si l'on eût demandé quel était le voyageur que les gardiens du château conduisaient de salons en salons, de bosquets en bosquets, quel était cet étranger, cet inconnu, à qui il faisait voir la chambre de Louis XIV, le cabinet de Louis XVI, l'appartement de Madame la Comtesse d'Artois, le balcon où l'infortunée Marie-Antoinette se montra au peuple, tenant Monsieur le Dauphin dans ses bras, on eût répondu que ce voyageur, cet étranger, cet inconnu, était le neveu de Louis XVI, le fils de Madame la Comtesse d'Artois, le dernier héritier de Louis XIV. Chapitre 4. Les Cent Jours. Monseigneur le duc de Berry à Gand. La Providence, pour nous donner une dernière leçon, rendit un moment la puissance à Buonaparte. Il sort de la mer, traverse la France, arrive à la demeure du père de famille absent, court à Waterloo, et passant rapidement par le trône et par la gloire, va se replonger dans la mer, au bout du monde. Les Cent Jours ne furent qu'une orgie de la fortune. La République et l'Empire se trouvèrent en présence, également surpris d'être évoqués, également incapables de revivre. Tous ces hommes de terreur et de conquête, si puissants dans les jours qui leur étaient propres, furent étonnés d'être si peu de choses. En vain l'anarchie et le despotisme s'unirent pour régner. Épuisée par ses excès avec le crime, la Révolution était devenue stérile. La vieille France qui se retirait conservait encore ses forces, après 12 siècles, tandis que la nouvelle France se trouvait déjà caduque au bout de 30 ans. Monseigneur le duc d'Angoulême combattit héroïquement dans le Midi. Son frère protégea la retraite de Louis XVIII à la tête des volontaires royaux et de la maison du roi. En sortant des portes de Béthune, il rencontra un corps de troupes portant les couleurs de Buonaparte. Il se précipite au-devant de ses soldats, les appelle au combat ou à la fidélité. Ils refusent l'un et l'autre. On propose au prince de faire un exemple. « Comment voulez-vous, répond-il, frapper des gens qui ne se défendent pas ?» Le commandement général des différents corps réunis dans le cantonnement d'Alost fut remis à Monseigneur le duc de Berry. C'était une seconde armée de Condé. Il y déploya la même générosité et les mêmes talents militaires. Accoutumé à l'exil, on voyait que le malheur ne lui coûtait rien. Une mort comme la sienne n'est pas chose facile, et l'on ne parvient à cette perfection que par de longues épreuves. Cette mort a révélé les nombreux bienfaits de ce prince. Il secourait, sans qu'on le sût, de pauvres familles d'Alost, Ses infortunes n'ont jamais pesé que sur lui, et il a fait des heureux partout où il a souffert. Il s'acquitte encore un autre droit à l'estime de ses hôtes religieux en accompagnant, avec ses soldats, une fête chrétienne, celle où l'on célèbre le nom de ce Dieu, pour lequel il n'y a point de terre étrangère, fête éternelle qui ne passe point comme celle des hommes. Ce Dieu des infortunés est aussi le Dieu qui dispose de la victoire. Il lui plut de l'ôter à l'homme qui en avait abusé si longtemps. La perte de la bataille de Waterloo fit refluer un grand nombre de prisonniers français dans les villes des Pays-Bas. Monseigneur le duc de Berry s'empressa de les secourir. Il reste un témoignage touchant de sa magnanimité. C'est le mouchoir dont il enveloppa la main d'un soldat blessé à Waterloo. Le grenadier qui possède ce drapeau blanc ne s'en séparera qu'avec la vie. Et il aurait versé 1000 fois son sang pour guérir la blessure du prince qui pansa la sienne. Chapitre 5. Retour du roi. Monseigneur le duc de Berry préside le collège électoral de Lille. Juillet 1815. Le roi remonta sur son trône. Monseigneur le duc de Berry rentra une seconde fois dans cette belle France dont il ne devait plus sortir. Ce fut encore à Saint-Denis, le terme de tous ses voyages, qu'il arriva. Bientôt après, on lui présenta les officiers du 10e régiment de ligne, qui étaient restés fidèles à Monseigneur le duc d'Angoulême. « Messieurs, leur dit-il, j'ai une permission à vous demander. C'est de porter votre uniforme quand j'irai au-devant de mon frère. » Au premier moment de la seconde restauration, on parut vouloir profiter de la leçon reçue. Un ministre qui avait puissamment contribué à relever 2 fois le trône, donna à l'opinion l'impulsion la plus monarchique. Les collèges électoraux furent convoqués avec éclat, et les princes de la famille royale furent nommés pour présider ceux des départements de la Seine, de la Gironde et du Nord. 13 août 1815. Arrivé à Lille, Monseigneur le duc de Berry prononça, à l'ouverture du collège, un discours remarquable par les sentiments et par la manière dont ils sont exprimés. Le plus aimé de vos rois, Henri IV, après de longues guerres intestines, rassembla les notables de son royaume à Rouen et leur demanda des conseils. Ainsi que lui, le roi, mon auguste seigneur et oncle, d'après la constitution qu'il a donnée lui-même à son peuple, s'adresse en ce moment à vous et me nomme particulièrement pour être son organe auprès du département du Nord. Je ne parlerai point de leur fidélité aux habitants d'un pays, berceau de la monarchie. Je ne remercierai point de son dévouement ce peuple qui rappelle si bien ces Francs généreux et guerriers dont il est descendu le premier. Je me bornerai à vous dire, messieurs, que le roi, après 26 ans de troubles et de malheurs, a besoin d'interroger le cœur de ses sujets, dont il juge d'après le sien. Ne pouvant réunir autour de lui tous les Français, dont il est, vous le savez, bien moins encore le monarque que le père, il vous demande de lui adresser, non ceux de vous qui l'aiment davantage, ce choix serait impossible, et vous y voleriez tous, mais ceux qui, dignes interprètes de votre pensée, porteront au pied de son trône cet oubli du passé, cette connaissance du présent, ce coup d'œil dans l'avenir, ce respect pour la charte constitutionnelle, cet amour pour sa personne sacrée. Enfin, cette abnégation de soi-même qui seule peut assurer le bonheur de tous. Avant l'ouverture du collège électoral, Monseigneur le duc de Berry avait voulu revoir et remercier la ville de Béthune et le sous-préfet, qu'il avait si fidèlement reçu lors de sa retraite à Gand. Il envoya un présent à son hôte d'Alost et une somme pour être délivré aux indigents. Peu de fils de roi, rentrés dans leur palais, se souviennent d'avoir été suppliants, d'avoir pris dans leurs bras le petit enfant, de s'être jetés à genoux, joignant l'autel domestique. Plutarque, Thémistocle. Chapitre 6. Mariage du prince. Enfin, d'heureuses destinées semblèrent s'ouvrir pour Monseigneur le duc de Berry par son union avec la princesse Marie-Caroline Thérèse, fille aînée du prince royal des deux Siciles. Complimenté par la Chambre des députés, il répondit à l'orateur « J'aurai, je l'espère, des enfants qui, comme moi, porteront dans leur cœur l'amour des Français. » La France attendait cette lignée royale. La Révolution l'attendait aussi. Sur le rapport de M. de Castelbajac, qui fit observer à la Chambre des députés que le mariage d'un fils de France était une fête de famille, la Chambre ajouta 500 000 francs au million demandé par les ministres pour l'apanage du prince. Monseigneur le duc de Berry abandonna cette somme pendant 5 ans au département qui avait le plus souffert pendant la guerre. Il avait écrit, le 8 janvier, à la princesse Caroline la lettre qu'on va lire pour lui demander sa main. Les lettres de Monseigneur le duc de Berry, que les espérances d'une longue vie promettaient de nous cacher longtemps, nous ont été révélées par sa mort. Ce prince appartient désormais à l'histoire, et l'on aime à chercher dans ses sentiments intimes de nouveaux motifs d'admiration et de regret. Paris, 8 février 1816. Madame, ma sœur et cousine, il y avait bien longtemps que je désirais obtenir l'aveu du roi, votre grand-père, et du prince, votre père, pour former une demande à laquelle j'attache le bonheur de ma vie. Mais, devant que j'ai obtenu leur agrément, c'est votre Altesse royale que je viens solliciter de daigner me confier le bonheur de sa vie, en s'unissant avec moi. J'ose me flatter que l'âge, l'expérience et une longue adversité m'ont assez formé pour me rendre digne d'être son époux, son guide et son ami. En quittant des parents si dignes de son amour, elle trouvera ici une famille qui lui rappellera le temps des patriarches. Que vous dirai-je du roi, de mon père, de mon frère, et surtout de cet ange, madame, duchesse d'Angoulême, que vous n'ayez entendu dire, sinon que leurs vertus, leurs bontés, sont fort au-dessus des éloges que l'on peut en faire. L'union la plus intime règne parmi nous et n'est jamais troublée. Mes parents désirent tous, avec impatience, que votre Altesse royale comble mes vœux, et qu'elle consente à augmenter le nombre des enfants de notre famille. Veuillez, madame, vous rendre à mes prières, et pressez le moment où je pourrai mettre à vos pieds l'hommage des sentiments respectueux et tendres avec lesquels je suis, madame, ma sœur et cousine de votre Altesse royale, le très affectionné frère et cousin. Charles Ferdinand. Le jour de la célébration du mariage par procuration, il écrivit encore à la princesse la lettre suivante. Paris, 25 avril 1816. Votre aimable lettre m'a fait un plaisir que je ne puis vous exprimer, madame et chère femme, car d'aujourd'hui nous nous sommes donné notre foi. De ce jour nous sommes unis par les liens sacrés du mariage, liens que je chercherai toujours à vous rendre doux. Vous daignez me remercier de vous avoir choisi pour la compagne de ma vie. Que de remerciements ne dois-je pas à votre Altesse royale pour avoir si promptement accédé aux vœux de vos excellents parents. Je sens combien il doit vous en coûter de les quitter, de venir presque seul dans un pays étranger, mais qui ne le sera bientôt plus pour vous unir à un homme que vous ne connaissez pas. J'ai composé votre maison de dame dont la vertu et la douceur me sont connues. Le roi a approuvé ce choix. Votre dame d'honneur, madame la duchesse de Reggio, est désespérée de ne pouvoir aller au-devant de vous. Madame de la Ferronnays, votre dame d'Atour, sœur de madame la comtesse de Blacas, sera la première qui aura le bonheur de vous faire sa cour. C'est un modèle de vertu et de l'amabilité la plus douce. Je vous la recommande particulièrement. Elle vous présentera les dames pour accompagner. Le duc de Lévis, votre chevalier d'honneur, est un homme aussi distingué par ses qualités que par ses talents. Le comte de Ménard, votre premier écuyer, est un loyal chevalier qui n'est rentré en France qu'avec moi. Enfin, j'espère que lorsque vous les connaîtrez, vous les trouverez dignes de l'honneur qu'ils ont de vous être attachés. Avec quelle impatience j'attends la nouvelle de votre arrivée en France. Que je serai heureux, ma bien chère femme, lorsque je pourrai vous appeler de ce doux nom. Tout ce que j'entends dire de vos qualités, de votre bonté, de votre esprit, de vos grâces, me charme et me fait brûler du désir de vous voir et de vous embrasser comme je vous aime. Charles Ferdinand. Cette fin de lettre est la formule de presque toutes les fins de lettres de Henri IV, mais avec quelque chose de grave et de chaste qui tient à la sainteté du lien conjugal. Le jour même où Monseigneur le duc de Berry écrivait cette lettre, la jeune princesse lui envoyait celle-ci du pied des autels. Naples, 24 avril 1816. C'est à l'autel que je viens, Monseigneur, de prendre l'engagement solennel d'être votre fidèle et tendre épouse. Ce titre si cher m'impose des devoirs que très volontiers je commence à remplir dès ce moment en venant vous donner l'assurance des sentiments que mon cœur vous a déjà voués pour la vie. Elle ne sera remplie et occupée que de chercher les moyens de vous plaire, à me concilier votre amitié. méritez votre confiance. Oui, vous aurez toute la mienne, toutes mes affections. Vous serez mon guide, mon ami. Vous m'apprendrez à plaire à votre auguste famille. Vous adoucirez, je n'en doute pas, le chagrin si vif que je vais éprouver de me séparer de la mienne. C'est sur vous enfin que je me repose entièrement du soin de ma conduite, pour la diriger vers tout ce qui pourra procurer votre bonheur. J'en ferai mon étude habituelle. Puissais-je y réussir et vous prouver combien je mets de prix à être votre compagne. C'est dans ces sentiments que je suis, pour la vie. Votre affectionnée épouse, Caroline. Chapitre 7. Arrivée de Madame la Duchesse de Berry à Marseille. Un détachement de la garde royale se rendit en Provence. Madame la Duchesse de Reggio, Madame de la Ferronay, Madame de Bouillé, Madame de Gontaut, Monsieur le Duc d'Avray, Monsieur le Duc de Lévis, Monsieur le Comte de Ménard, attendaient à Marseille l'arrivée de la princesse Caroline. Elle avait déjà assisté à Naples à des fêtes brillantes, fêtes qui semblent éternellement préparées sur les bords de ce golfe, où tout ce qu'on aperçoit, ciel, mer, campagne, palais, ruines, se rattachent à des plaisirs du moment ou à des joies passées. Embarquée sur un vaisseau napolitain, Madame la Duchesse de Berry traversa la mer qui avait vu passer son aïeule, Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis, revenant de la Terre Sainte où elle avait partagé les malheurs de son époux et de son roi. Marseille déploya à l'arrivée de la princesse cet enthousiasme qu'elle tient du sang de l'Ionie, de la beauté de son soleil, des chansons de ses troubadours et du souvenir du bon roi René. Caroline de Bourbon fut reçue comme Marie de Médicis, au-devant de laquelle Henri IV avait envoyé le connétable, le chancelier, le duc de Guise et les princesses douairières de Guise et de Nemours. Mais écoutons les deux époux. Ils vont nous raconter leur histoire et avec quel charme. Chapitre 8. Lettre du prince et de la princesse. Madame la Duchesse de Berry décrit les fêtes qu'on lui donne à Marseille et à Toulon. Paris, 10 mai 1816. Je profite, madame, du départ de Madame la Duchesse de Reggio pour vous dire combien votre seconde lettre m'a touchée. Cette lettre que vous avez écrite en sortant de la cérémonie par laquelle vous avez confié votre destinée entre mes mains. Je suis chargée de votre bonheur et ce sera la douce et constante occupation de ma vie. J'ai vu avec peine le retard de votre départ de Naples, la quarantaine que vous serez obligée de faire, quoiqu'elle soit abrégée autant que possible. Me fait présumer que ce ne sera que dans les premiers jours du mois prochain que j'aurai le bonheur de vous voir, que je regrette de n'avoir pas pu aller à Naples moi-même vous chercher. Mais il faut nous soumettre aux volontés de nos parents et, premier sujet, nous devons l'exemple de l'obéissance. Toute la France vous attend avec la plus vive impatience, et moi plus que personne. Je vous recommande Madame la Duchesse de Reggio, qui, malgré sa faiblesse, a voulu partir. Elle se trouve bien heureuse de pouvoir se rendre à son devoir auprès de vous. Adieu, madame. Je suis impatient de recevoir une lettre de votre Altesse royale datée de France. Le vent qui souffle avec violence me fait trembler. Charles Ferdinand. Du Lazaret de Marseille, 26 mai 1816. Vos aimables lettres, Monseigneur, m'ont déjà habitué à votre intérêt. Je dois à votre Altesse royale de l'informer avec la confiance qu'il m'inspire de tout ce que je fais ici, et d'abord de ma santé qui est très bonne. Je me lève assez tard parce que j'aime à dormir le matin. Ainsi, je n'entends la messe que de 9 à 10 heures. Le bon duc d'Avray prend la peine de venir de bien loin pour y assister, ainsi que le préfet, Monsieur de Villeneuve-Bargemont, Monsieur de Montgrand, maire, et des députés de la santé lorsque les affaires publiques le leur permettent. Ainsi, ils viennent me voir à la distance très respectueuse qu'imposent les lois de la quarantaine. Puis, je me retire chez moi jusqu'au dîner, après lequel je profite de l'excellente société de Madame de la Ferronay. C'est à son attachement pour Monseigneur que je dois sans doute la preuve si touchante de son dévouement de venir s'enfermer avec moi. J'y suis bien sensible, comme à la demande qu'en fit aussi Madame la Duchesse de Reggio. J'ai le plaisir de la voir au parloir avec Mesdames de Gontaut, de Bouillé, et Messieurs de Lévis et de Ménard, et tous ceux que Monsieur le Duc d'Avray m'a présentés. C'est une occupation de l'après-dîner avant la promenade ou la pêche. plaisir que les intendants de la santé m'ont procuré deux fois. Ils sont bien empressés d'employer tous les moyens d'adoucir ma retraite. Jeudi passé, j'ai fait une jolie promenade sur mer, dans un très beau canot que monsieur le commandant de la marine a fait venir de Toulon. On a pu entrer dans le port, et comme il a paru que les bons habitants de Marseille ont été contents que l'on ait trouvé ce moyen de me faire voir à eux, j'ai demandé de renouveler la promenade aujourd'hui, si le temps le permet. L'on m'a fait entendre aussi plusieurs fois de la musique. Enfin, monseigneur, l'on n'omet rien de ce qui peut m'être agréable. Je suis bien reconnaissante, je vous assure, et voudrais le montrer comme je le sens, mais je ne peux vaincre tout d'un coup ma timidité. Mon âge et le peu d'occasions que j'ai eues de paraître doivent me faire excuser par ceux qui savent ces raisons. Les autres ne me jugent peut-être pas avec tant d'indulgence. J'en serais affligée que par rapport à votre Altesse royale, à qui je voudrais faire éprouver tous les genres de satisfaction. On doit me faire voir Toulon. Je jouirai d'autant plus de ce plaisir que cette course n'est pas un retard, puisqu'elle ne fait qu'employer les jours de grâce que messieurs de la santé m'ont accordés. C'est un arrangement de l'excellent duc d'Avray. Je n'écris pas aujourd'hui au roi notre oncle, ni à votre père, pour ne les pas fatiguer. Mais soyez assez bon pour être près d'eux l'interprète de mes sentiments de respect et d'attachement, ainsi que de ceux d'amitié à Monseigneur le Duc et à Madame la Duchesse d'Angoulême. Il me tarde bien de faire partie de cette famille qui m'est déjà si chère. Vous m'apprendrez à lui plaire, Monseigneur. Vous me direz bien franchement tout ce que je dois faire pour cela, et surtout pour mériter votre tendresse. Caroline. Paris, 26 mai 1816. Je ne puis vous exprimer, Madame, combien je suis heureux d'apprendre votre arrivée à Marseille. J'aurais bien voulu abréger l'ennuyeuse quarantaine de votre Altesse royale, et je crains que vous ne trouviez le temps bien long. Vous avez déjà gagné les cœurs de ceux qui n'ont fait que vous entrevoir. Vous êtes déjà si aimé en France, on désire tant vous voir. Quand je sors à présent, l'on ne crie plus « Vive le duc de Berry !» mais, ce qui me fait bien plus de plaisir, « Vive la duchesse de Berry !»« Vive la princesse Caroline !» Je voudrais, Madame, prévenir tous les désirs de votre Altesse royale, savoir ce qui pourrait lui plaire. Vous aurez ici une habitation charmante que toute la famille s'occupe à arranger. Vous aimez à monter à cheval, je vous cherche des chevaux bien sages. Je sais que vous ne craignez rien, mais moi j'ai peur pour vous. À propos de courage, vous avez été en grand danger sur mer, auprès de cette vilaine île d'Elbe, d'où sont partis tous nos maux l'année dernière. Cela m'a fait trembler. Mais j'ai aimé à apprendre que vous n'aviez pas éprouvé la moindre frayeur. Le sang de Henri IV et de Louis XIV ne s'est pas démenti. Adieu, madame, et bien chère amie, ma bonne et aimable femme. En attendant le 15 de juin, qui est encore si loin, je veux vous répéter que je vous aime et que je ferai tout ce qui sera en moi pour vous rendre heureuse. Charles Ferdinand. Marseille, 2 juin 1816. Quel plaisir pour moi, Monseigneur, de recevoir à 5 jours de date vos lettres très aimables, mais aussi écrites trop rapidement. Permettez-moi d'en faire un petit reproche à votre Altesse royale. Vous m'excuserez, puisque vous m'assurez que vous désirez me donner toutes sortes de bonheurs, et que vous retardez celui que j'ai à vous lire par l'étude qu'il faut que je fasse de votre écriture. N'allez pas, d'après cela, me juger difficile et grondeuse. Je suis arrivée hier soir de Toulon, où tous mes instants ont été employés à recevoir des hommages, des fêtes sur terre et sur mer. La ville entière était parée, décoré d'emblèmes, d'inscriptions allégoriques. Il est impossible de décrire l'enthousiasme de ces bons habitants de la Provence. Ils me gâtent. Ils touchent sensiblement mon cœur par les expressions répétées de leur amour pour le roi et pour toute sa famille. Ils ont en même temps la délicatesse de joindre des exclamations pour mes parents de Naples. Cela n'est-il pas charmant? Toutes les autorités sont excellentes, au dire général. Ce sont bien elles qui soutiennent ce bon esprit. J'ai vu avec plaisir ce brave Rousse de Toulon, le seul qui ait fait reconnaître Louis XVII, et qui continue par un entier désintéressé dévouement à se rendre utile à son pays et à son roi. L'on m'a conduite dans les arsenaux, celui de terre qui n'existait pas il y a 4 mois est maintenant en état d'armer plus de 30 000 hommes. On le doit à l'activité infatigable du colonel qui en est chargé, dont le nom est M. de la Ferrière. En tout, ce petit voyage m'a intéressé. Nulle part, je crois, on ne peut prendre une idée plus juste des moyens et de la grandeur de la France qu'en visitant ce beau port. S'il a fait cet effet sur moi, qui n'y entend rien, que doit-il produire sur les personnes qui ont des connaissances ? C'est dans 13 jours, Monseigneur, que je vous verrai, que je jugerai par moi-même de tout le bien que j'entends dire de votre cœur, de votre esprit, et que je vous répéterai que je suis et serai pour la vie votre fidèle et affectionnée Caroline. Paris, 31 mai 1816. Le prince de Castelcicala m'a remis hier, madame, et bien chère amie, des lettres pour vous de vos chers parents. Je ne perds pas un instant pour vous les envoyer. J'ai encore reçu aujourd'hui des nouvelles de Marseille, du 23. Je sais que vous enchantez tout ce qui vous entoure et tout ce qui peut vous apercevoir. Votre promenade en bateau a eu un grand succès, et surtout la promesse que vous avez faite de la renouveler. Je ne vous écrirai pas aujourd'hui une longue lettre, en ayant tant à vous envoyer qui doivent vous intéresser davantage. Je m'occupe de vous chercher des chevaux, et j'espère en trouver qui vous conviennent. Nous avons été voir la corbeille que le roi vous donne, et j'espère que vous en serez contente. Il y a surtout une robe de bal que je serai charmée de vous voir porter. Mon père rassemble votre bibliothèque. Mon frère et sa femme ornent votre chambre. Chacun de nous se fait un si doux plaisir de vous être agréable. Et qui le désire plus que celui qui vous est déjà uni par les liens les plus sacrés? Je suis toujours effrayée de mes 38 ans. Je sais qu'à 17, je trouvais ceux qui approchaient de la quarantaine bien vieux. Je ne me flatte pas de vous inspirer de l'amour, mais bien ce sentiment si tendre, plus fort que l'amitié. Cette douce confiance qui doit venir de l'amitié même. Je vois que je ne finis pas, et vous avez toutes vos lettres à lire. Adieu, encore 15 grands jours. Je baise les mains de ma femme comme je l'aime. Charles Ferdinand. Paris, 4 juin 1816. J'ai reçu hier, madame et bien chère amie, votre bonne et aimable lettre du 27. Tout le monde dit beaucoup de bien de vous, mais je juge encore plus de ce que vous valez par vos lettres, où je trouve tout ce qui est fait pour me charmer. Vous me demandez de vous donner des conseils. Je vous dirai tout ce que je croirai vous être utile. Vous vous plaignez de votre timidité, elle sied à votre âge, et vous savez y mêler la bonté et la noblesse. Vous êtes entouré de l'amour des habitants du Midi, qui sont bien bons. Vous êtes un présage de bonheur pour la France, et la terreur des factieux. Charles Ferdinand. Fin de la section 4.